Before the next scene, voici encore la conversation entière entre Madame Mathieu et le réceptionniste. Yes, here's the complete dialogue again, but in a slightly modified form. À la réception avec Madame Mathieu. Non, non madame, le numéro à Carcassonne que vous demandez n'est pas attribué. Ce n'est pas le bon numéro. Le numéro n'est pas bon? Ce n'est pas possible. Voici votre numéro, le numéro que vous demandez. Écoutez. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Alors, madame, vous comprenez? Bien sûr, je comprends. C'est mon mari. Pardon? Mon mari! Le numéro n'est pas bon. C'est la faute de mon mari. Ah, oui, madame. Voulez-vous consulter le Minitel? Non, ce n'est pas important. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, madame. Et maintenant, madame... Andéole. Oh, bien sûr, madame Andéole, excusez-moi. Oh, de rien, monsieur. Et monsieur Wickham. Hello. Bonjour. Oui, bonjour encore. Les Galeries Lafayette. Pardon, madame. Oh, excusez-moi, monsieur, madame. Un instant, s'il vous plaît. Madame Mathieu, vous désirez? Les Galeries Lafayette. Vous pouvez me donner l'adresse et le numéro de téléphone, s'il vous plaît? Les Galeries Lafayette. Tout de suite, madame. Ah, l'adresse. C'est le numéro 40, boulevard Haussmann. Et le numéro de téléphone? Vous avez un stylo et du papier. Je veux écrire le numéro. Oui, madame, voici un stylo et du papier. Maintenant, boulevard... Haussmann, numéro 40. Haussmann, 40. Ah, c'est près de l'opéra, n'est-ce pas? Oui, madame, je crois. Moi, je sais. Et le numéro de téléphone? C'est le 01 42 82 34 56. Le 01 42 92 34 56. Non, madame. 01 42 82 34 56. Oui, je comprends. Vous voulez appeler le numéro maintenant? Quelle heure est-il? Il est 10h05. Non, peut-être plus tard. Au revoir. Comme vous voulez. Au revoir, madame.